silence d'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 mai, c'est un autre jour est possible, votre réveil culturel avec dans un instant Edgar Morin qui est avec nous toute la semaine pour nous parler des stars, les stars qui ont marqué son enfance, sa jeunesse, mais aussi pour questionner notre rapport aux stars. Les fantômes du cinéma, deuxième partie, c'est dans un instant. Et puis, toute l'actualité culturelle française ne se résume pas à Cannes. En deuxième partie, nous serons avec Bernard Pivot, qui lui sera au Théâtre du Rond-Point à partir d'aujourd'hui pour un spectacle inédit. Au secours, les mots m'ont mangé. If you have killed him, why do you let me live? Because I've chosen you. Here, the women choose their men. I know. Our ideas are different. Given you your freedom. You and your friend. Then he is still alive. Let me see him. Oh, where is your friend? I shall have him killed. Even then, I wouldn't give in to you. Les fantômes du cinéma par Edgar Morin, sociologue, aujourd'hui deuxième épisode. Et aujourd'hui, Edgar Morin, bonjour. Bonjour. On va parler des stars de votre enfance et on va commencer, puisque vous l'évoquiez déjà hier, cette blonde qui apparaissait dans l'Atlantide, c'était en 1932, Brigitte Helm. Oui, alors non seulement elle était fascinante, mais... elle incarnait un rôle de souveraine mystérieuse et ayant un rôle absolument fascinant pour tous les hommes qui tombaient sur son charme. C'était la reine d'un royaume caché dans le Hoggar, c'est-à-dire cette partie montagneuse du Sahara. C'était d'après un roman qui imaginait que il y avait une souveraine qui régnait sur un certain nombre de Touaregs. Et quand il y avait des voyageurs, des militaires ou civils qui étaient pris dans des tempêtes de sable, qu'ils étaient recueillis, ils tombaient tous fous amoureux d'Antinéa. Et donc, ça a été mon cas, bien que sur le plan imaginaire. Je peux dire aussi qu'il y a eu le cas de Gina Manès, qui, elle, au contraire, était une brune très méditerranéenne et qui aussi avait un puissant effet érotique sur le tout jeune adolescent que j'étais. Elle jouait dans un film qui s'appelait « La voix sans disque » de Léon Poirier, un film qui se situe à Djibouti. Réalisé en 1933. Voilà. Et alors, je dois dire aussi autre chose... c'est qu'un peu plus tard, quand j'ai vu apparaître Michel Morgan dans un film qui s'appelle Gribouille, je ne me souviens plus l'année exacte, elle jouait le rôle d'une orpheline qui était accusée à tort d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis. Et moi, ça m'avait tellement ému que je lui avais écrit en disant que j'étais prêt à la protéger. Malheureusement, elle ne m'a pas répondu. Mais là, c'était une manière aussi de rendre hommage à la star. Vous saviez qu'elle ne faisait que jouer ce rôle, Edgar Morin. Mais vous savez, dans mon esprit, j'étais un peu troublé, puisque j'avais fait cette confusion tout en sachant qu'il y avait cette dualité. Mais dans le fond, je la voyais peut-être sous ce rôle, comme une jeune fille qui avait besoin d'être protégée. Celui que j'aimais tant est parti en l'emportant. Au lointain séjour, depuis de longs jours, et peut-être pour toujours, par-delà les mots. Par-delà les mers, moquez-vous de moi, je suis fidèle. Oh, ce coin perdu du vaste univers où l'amour. Je rappelle que votre livre, Les Stars, est réédité aujourd'hui dans la collection Folio du Seuil. Et vous parlez justement dans ce livre de des stars qui ont marqué votre vie, votre enfance, Edgar Morin, Brigitte Helm dans l'Atlantide, entre autres, ou la brune Gina Manès dans La Voix sans disque, vous venez d'en parler. Et vous écrivez, ces deux stars me fascinaient comme des énigmes lorsque j'étais adolescent. Elles possèdent un pouvoir absolu. Sont capables de faire tuer, de donner envie, de se suicider. Elle suscitait en moi des sentiments d'adoration, de début de divinisation. Elles incarnaient une métamorphose de la vampe des années 20 et portaient comme elle une beauté fatale. C'est là où vous parlez de divinité. Oui, bien sûr, parce que je participais à ce culte des stars dont j'ai pu parler en toute conscience plus tard quand j'ai écrit mon livre. Mais effectivement, il y a un début de divinisation dans le phénomène de la star que l'on adore. Alors, est-ce que cette divinisation appartient à une époque, c'est-à-dire l'époque d'avant la télévision, d'avant la médiatisation des stars, ou est-ce que ça continue encore aujourd'hui d'une manière ou d'une autre? Et moi, je ne peux pas dire. Ça joue beaucoup aujourd'hui pour des stars du rock, de la chanson. Madonna, qui en plus jouait des rôles, notamment le rôle de... Deva Perron. Deva Evita, voilà. On voit des phénomènes d'exaltation, surtout à l'occasion de concerts et particulièrement de concerts rock. Sinon, au cinéma, ça reste plus intériorisé. Mais je pense plus qu'il y a des fan clubs comme il y avait dans le temps, c'est-à-dire des clubs d'admirateurs et d'adorateurs de vedettes qui se réunissaient dans un culte commun. Ben, je ne suis plus tellement, vraiment, je suis plus dans le courant. Vous le faisiez, vous, Edgar Morin? Non, j'ai jamais fait partie d'un fan club. Et puis, à partir d'un certain âge, étant très très fortement marqué par certaines stars. Notamment celle qui est dans Pandora. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Mais enfin, cette brune américaine, la comtesse aux pieds nus. Ava Gardner, bien entendu. Voilà, Ava Gardner m'a beaucoup fasciné, mais c'était plus tard. Et puis il y a quand même des visages féminins qui m'impressionnent beaucoup, mais Tout ça, maintenant, fait partie d'un ensemble où je m'intéresse à l'art du cinéma, à la réalisation, à toutes ces choses-là. Alors que dans mon enfance, je le répète, j'étais un cinéphage, je me nourrissais de cinéma d'une façon intense et non sélective. Et maintenant, ma sélectivité est pour les films, disons, d'auteurs en général, qui peuvent être, certains peuvent être commerciaux, d'autres non. Et je dirais même qu'aujourd'hui, enfin ces dernières années, ce qui me fascine le plus, c'est cette sorte de floraison des 100 fleurs du cinéma mondial, c'est-à-dire pas du cinéma du monde, mais des différentes cultures du monde. On est passé d'une époque où le cinéma, c'était quoi ? C'était les États-Unis, c'était la France, l'Italie, l'Angleterre, c'était l'Égypte, c'était le Mexique un peu. Mais enfin, et puis il y a eu l'Inde. Mais aujourd'hui, moi, je découvre les Philippines avec un film philippin admirable. Des films turcs m'ont fait plonger dans l'Anatolie. Et j'ai la jouissance de découvrir les singularités des cultures et les beautés des cultures du monde. Je crois qu'on est... Ça, c'est le bon côté de l'époque planétaire que nous vivons. Et maintenant, il va y avoir une floraison de films africains, de l'Afrique subsahélienne. Mais déjà, moi, j'ai vu des films marocains qui m'ont absolument emballé. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je suis passé... je ne vais pas autant au cinéma que je le voudrais... Mais je vais voir, je cherche beaucoup des... Par exemple, je veux avoir Taxi Téhéran, je veux voir des films de ce genre-là. Mais est-ce que vous, quand vous étiez jeune, est-ce que c'était les histoires des films avec Brigitte Helm et Gina Manès qui vous intéressaient, ou c'était leur côté vamp, déesse, qui vous fascinait ? Ben, vous savez, il y avait tout ça. Il faut dire aussi que l'histoire du film avait quelque chose de palpitant. On voulait savoir ce qu'allait devenir les héros de film. Mais je subissais effectivement cet envoûtement. Et je pense que... vous savez, les stars sont devenues, surtout avec le développement du parlant, de plus en plus réaliste, avec une double nature, une nature de vie quotidienne et une nature, disons, quasi divinisée. Et donc, par exemple, les stars d'Hollywood étaient montrées à partir des années... Enfin, des années 30, 40, etc., faisant des œufs au plat, à la poêle, ou faisant des gestes absolument familiers, profanes. Alors que Brigitte Helm et Gina Manès, elles étaient dans un autre univers. Elles étaient, et surtout, quand vous parlez de Brigitte Helm, c'était cet univers mythologique de l'Atlantide, c'est-à-dire un pays censé exister au cœur du Sahara, et qui est tout à fait fabuleux. Gina Manès se situait entre le Djibouti et l'Éthiopie, avec une histoire d'aventure, donc j'ai un peu oublié. Donc, si vous voulez, tout ça est enveloppé dans un ensemble de fascinations où le récit, l'aventure joue un rôle, mais où les personnages m'ont influencé, m'ont marqué. Et entre la brune et la blonde, vous aviez une préférence, Edgar Morin, entre la blonde Brigitte Helm et la brune Gina Manès ? Eh bien, ce sont les deux tropismes de mon esprit. J'ai une, si vous voulez, une attraction exogame très forte vers la blonde nordique, qui n'a rien à voir avec moi, avec mes ascendants, avec mon côté méditerranéen. Et j'ai une attraction endogame très forte pour la brune méditerranéenne. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas fait de hiérarchie. Le destin et de la vie me portent tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre. Et aujourd'hui, il arrive encore qu'elle vienne vous hanter, Edgar Morin? Non, j'y pense. Elle ne me hante pas, mais quand j'ai l'occasion de revoir mon DVD, l'Atlantide, plusieurs dizaines d'années après, ça me plaît. Je retrouve des. Vous savez, à mon âge, on a du plaisir à retrouver des souvenirs et des sensations de la jeunesse. Elles servent à ça aussi, les stars, à maintenir les souvenirs? Écoutez, pour moi, elles servent à ça, mais vous savez, comme maintenant, on passe beaucoup de films classiques, et donc les stars du passé, maintenant, ont une nouvelle vie, et elles peuvent encore susciter des fascinations. Merci Edgar Morin, à demain. Merci à vous. Moi je ne dois rien à personne, moi je ne vends pas mes émois, tous mes baisers je les donne, je ne dépends que de moi. Moi je ne dois rien à personne, on ne me donne pas tant par mois, mais dans la vie je fais seulement ce qui me plaît, c'est comme ça que j'ai la paix. Si j'ai envie de m'envoyer un béguin qui me revient, pas de jalousie, je me fous de la pâte du gain, je n'ai rien. Mais je ne dois rien à personne, pas même un rond, je m'en voudrais. Et quand viendra la mort, je n'aurai pas de remords, je n'aurai que des regrets. Quand un petit vous plaît pas, le mettre au pas, en lui disant des clous, jamais de la vie. La bride sur le cou, faire des caps sans cou, pouvoir toujours répondre, j'ai pas envie. Parfois tellement bon de dire non, car être pauvre et fier, c'est mon vie. Si on n'a des pas de soi, ne les devoir qu'à soi. Ça coûte trop cher quand on vous rend service. Moi, je ne vois rien à personne. Moi, je ne vends pas mes émois. Tous mes baisers, je les donne. Je ne dépends que de moi. Moi, je ne dois rien à personne. On ne me donne pas tant par moi. Mais dans la vie, je fais seulement ce qui me plaît. C'est comme ça que j'ai la paix. Si j'ai envie de m'envoyer un béguin qui me retient, pas de jalousie, je me fous de la pâte du gain. Je n'ai rien, mais je ne dois rien à personne, pas même un rond, je m'en voudrais. Et quand viendra la mort, je n'aurai pas de remords, je n'aurai que des regrets. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Vous n'êtes pas à Cannes, ça fait plaisir. Non, je suis pas à Cannes. Toute la France est à Cannes, sauf nous deux. Est-ce que vous êtes, comme Edgar Morin, marqué par des stars ah du oui, cinéma, par oui. exemple? Oh écoutez, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Martine Carroll, Brigitte Bardot, vous imaginez bien qu'elles m'ont fait rêver durant toute ma, d'abord ma puberté, ensuite ma jeunesse, bien sûr. Et alors, et aujourd'hui, justement? Oh ben oui, toujours, les... peut-être que non. Franchement, je suis moins sensible aux stars que durant ma jeunesse. Pourquoi ? Parce que à l'époque, la sexualité était cachée, et donc les jeunes gens qui quelle belle place pour l'imaginaire. Et ben voilà. Donc on allait au cinéma pour voir un petit peu un bout de sein, une cuisse, des choses comme ça. Donc toutes ces stars qui étaient magnifiquement belles, qui étaient extraordinairement sensuelles, nous encourageaient évidemment dans la voie du péché. Ouais. Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet et de tous les écrans, on n'a pas besoin d'aller au cinéma pour vivre ce genre de sensation, Bernard Pivot? Oh si, moi je trouve qu'il faut aller au cinéma. Vous continuez à y aller vous-même? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, je vais au cinéma. J'y vais pas autant que je le voudrais, bien entendu, et je vais pas autant au théâtre que je le voudrais, mais j'y vais le plus souvent possible. Non, je suis très sensible toujours à ce qui fait qu'une star, ce qu'un acteur ou une actrice est une star et l'autre ne l'est pas. Alors ça, je pense qu'Edgar Morin vous l'a expliqué en long et en large. Bernard Pivot, est-ce que vous avez le même rapport au film qu'au livre? Non. Non, alors, c'est quoi la différence? Comment on vieillit avec un livre qu'on a aimé et un film qu'on a adoré? Oui, mais c'est pas la même chose, tout simplement parce que, d'abord, le livre, c'est un tête-à-tête avec un objet que vous avez sous les yeux, qui est dans votre poche, que vous sortez chez vous. Cinéma, c'est une aventure collective. Vous allez dans un cinéma, il y a des gens autour de vous, il y a un plaisir collectif qui n'existe pas avec le livre. Depuis le DVD, si, non? Oh non, oui, mais moi je suis pas. Non, moi je vais au cinéma, je regarde pas les DVD. Non, je vais au cinéma. J'aime aller au cinéma, m'asseoir dans un fauteuil de cinéma, entouré de gens qui aiment aussi le cinéma et non pas regarder égoïstement un film chez moi. Non. Ça, est-ce que le plaisir de la langue est tout aussi important dans un livre que dans un film pour vous, Bernard Pivot? Non, je ne pense pas. Je trouve que les dialogues sont évidemment très importants. Ouais. Si les dialogues sont ratés, s'ils sont bébêtes ou exagérés, évidemment, ça heurte l'oreille, ça heurte la sensibilité. Mais ce qui est intéressant avec un livre, c'est que vous avez un stylo à côté de vous, vous pouvez noter, reprendre, mettre des commentaires dans la marge. Avec le cinéma, vous ne pouvez pas. Simplement, vous pouvez de temps en temps vous riez, vous pleurez. Vous faites ce que vous voulez, mais on n'a pas les mêmes rapports, non. Bernard Pivot, donc ce soir et jusqu'à samedi, vous êtes sur scène au Théâtre du Rond-Point pour une conférence-performance qui a pour titre « Au secours, les mots m'ont mangé ». Oui, c'est une lecture-spectacle, voilà. Une lecture-spectacle. Oui, alors c'est un jour Jean-Michel Ribe, donc le directeur du Rond-Point, qui un jour m'avait invité à un petit déjeuner, il m'a dit « Mais je me rappelle du temps d'Apostrophe, tu lisais très bien les textes des autres. Pourquoi ne lirais-tu pas les tiens? Tu dois bien les lire. » Alors, j'ai trouvé ça l'idée amusante parce que c'était le contraire d'Apostrophe. Puisqu'Apostrophe, je parlais devant 1 à 3 millions de téléspectateurs, mais je les voyais pas, je les entendais pas, je savais pas s'ils étaient contents ou mécontents, on n'en sait jamais rien à la télévision. Tandis que là, c'est le contraire, vous parlez devant 200, 300 ou 500 personnes, et vous les voyez, vous les entendez rire, applaudir, donc le contact n'est pas le même. C'est, au fond, c'est le contraire de ce que j'ai fait durant toute ma vie professionnelle, et j'éprouve un vrai plaisir aujourd'hui à ce contact avec le public que je n'ai jamais eu. Mais il y a une mise en scène, il y a une histoire ou il y a juste des extraits que vous avez choisis? Alors, c'était le premier spectacle que j'ai fait, c'était des extraits de mes livres qui racontaient un peu mon histoire, voilà. Est-ce que là, c'est vraiment un texte que j'ai écrit spécialement qui pour le théâtre, qui sera beaucoup plus joué, bien entendu, et qui raconte la vie d'un écrivain qui n'est pas moi, puisque il a eu le prix Goncourt, il a publié une trentaine de livres. Et alors c'est ça raconte l'histoire d'un homme, qui a eu beaucoup de succès avec les livres, qui a beaucoup lu, qui a beaucoup écrit, qui devant les yeux duquel des millions de mots sont passés, soit qu'il les a écrits, soit qu'il les a lus. Mais finalement, au terme de sa vie, il s'aperçoit que les mots, il a plus été victime des mots qu'il n'a été leur maître. Parce que les mots, les mots sont dans son cœur, ils sont dans notre cœur, ils sont dans notre tête, ils sont dans nos yeux, ils sont partout, les mots. Nous vivons avec eux. Ce sont des petits insectes. Et ces insectes, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des piquants, il y en a des caressants. Et ces mots l'ont grignoté peu à peu à son insu. Ils l'ont bouffé, ils l'ont boulotté, et ben, souvent sans ils s'en rendent compte, sans compter que les livres ont pris de plus en plus de place dans son appartement, l'ont privé d'une sorte d'oxygène. Et c'est cette histoire à la fois pathétique, lamentable, mais loufoque, que je raconte pendant un peu plus d'une heure. Et qui ressemble un peu à votre vie, Bernard Pivot ? Non, enfin un petit peu, oui, parce que le contact avec les mots, évidemment, je les ai lus, mais ils ont été avec moi des compagnons très fidèles et que j'ai beaucoup aimé. Et qui continuent à l'être. Mais qui continuent à l'être, mais quand même, non, ce que je raconte de la vie, l'écrivain, il a le prix Goncourt, par exemple, il a le prix Goncourt, et à la fin, d'ailleurs, il va au paradis, et il entre au paradis d'une manière un petit peu bizarre, d'ailleurs. Je peux pas vous le dire pour comment... Tout le texte était nidi. Où il y a des extraits des livres qui vous ont accompagné. Tout est de vous, quoi. Là, tout est de moi, là, oui, bien sûr, oui. Comme un grand, quoi. Alors, qui vous a mis en scène, Bernard Pivot ? Moi. non, mais je suis devant un pupitre, comme ça, et je lis. Enfin, il y a des choses que je sais par cœur, bien entendu. Et puis je mime, je fais le comédien, mais un comédien amateur, bien entendu. Donc, un comédien un peu parfois naïf, probablement. Mais ce soir, il y a d'ailleurs un metteur en scène de mes amis qui sera là et qui va me donner des conseils pour, parce que c'est la première représentation ce soir, qui me donnera des conseils pour les autres représentations. Pourquoi vous avez dit oui à ce défi, Bernard Pivot? Parce que c'est un défi. Voilà. Eh ben voilà. Mais vous avez prononcé le mot qui convient. C'est parce que c'est un défi. Bien sûr. Ça m'a amusé beaucoup, évidemment, de monter sur scène, alors que je n'ai jamais pensé à tenir un rôle pareil. Vous imaginez. Donc si rime. Non, mais surtout vous qui avez décidé de décrocher de la télé, alors que généralement c'est le contraire. On demande aux gens de quitter la télé. Vous, ça a été un choix personnel. Est-ce que ça vous manque? La télévision? Oui, enfin, le show, de manière générale. Non, pas du tout. Non, parce que je suis parti de moi-même. Mm-hmm. Je fais écouter pendant 28 ans des émissions culturelles, littéraires en direct. Franchement, j'en avais un petit peu assez. Donc, je suis parti en me disant, tu auras une autre vie, ne pars pas trop tard, parce que sinon ta deuxième vie t'échappera. Donc j'ai changé de vie, maintenant j'écris des livres, et puis même, chose totalement inattendue, voilà que je suis sur scène. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Bernard Pivot. Je rappelle que vous êtes donc ce soir et jusqu'à samedi à 18h30 au Théâtre du Rond-Point, seul sur scène pour une conférence performance, au secours, les mots m'ont mangé. Vous pouvez réécouter cette émission en passant par franceculture.fr. Vous trouverez tout à votre disposition à la page « Un autre jour est possible ». Nous, on se retrouve demain, toujours en compagnie d'Edgar Morin en début d'émission. Et puis, en deuxième partie, nous parlerons d'un film de Vittorio De Sica. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il ressort demain en version restaurée. C'est Umberto Di. Un des meilleurs films de De Sica, réalisé en 1952. Je serai avec le critique et l'historien du cinéma italien Jean Gilli demain pour parler de cette ressortie. Merci Bernard Pivot. Merci. Bonne matinée à tous. À demain.